tout fait foirer. J'ai tout foiré, tout ce que je fais, tout ce que je tiens, tout ce que je touche. Mes amours se sont brisés, se sont passés, sont arrachés, sont devenus même sourds. Bien à côté, bien au-delà de nos discours, j'ai tout fait foirer, j'ai tout cassé, devenu sourd. Je, ce que je tiens, tout ce que je fais, tout ce que je touche. Même mes amours sont passés bien à côté. Où sont passés les sentiments? Où sont passés les sentiments? Sur le bas-côté, évidemment, je suis même devenu sourd. Je n'ai plus personne à qui parler, plus personne qui peut m'aimer. J'ai tout gâché, j'ai voté même en touche, même le bonheur, je suis passé à côté. Je suis seul comme un menhir au milieu d'un champ. J'avais vu venir la réussite, évidemment, comme bien entendu. J'ai évité même le pire d'être riche, évidemment. J'ai cru réussir à revenir dans la tempête, dans les tourments. J'ai toujours évité le pire, le sens évident. J'avais cru être l'exception ou un truc dans le genre. Quelqu'un qui compte, un être important. J'ai beau ressasser toutes mes erreurs, tous mes sentiments, tout ce que j'ai fait, tout ce qui s'est passé, je ne compte plus, évidemment, pour personne. Et puis le monde s'est éloigné, il s'est reparti loin de moi, il s'est regardé de loin, il me regarde de loin me noyer. Et il se marre et se vautre d'amusement. Je les entends rigoler comme des enfants. Je voudrais partir loin d'ici, crever sans préavis. Et à la fin, je dirais, bon débarras, il était temps. Il était temps. J'ai cru qu'un jour ça irait mieux, mais plus j'attends et moins c'est mieux. J'ai tout fait foirer, j'ai cru que j'étais l'exception, que tout était pour moi, que je comptais évidemment, que j'étais important, que j'étais l'être important. J'ai tout fait foirer, j'ai beau ressasser tous mes délires, tous mes tourments, toutes mes erreurs, tout ce que j'ai fait, mais ça ne compte plus à présent.